Partout par les que je me déplace. Chez moi le dernier de la classe, il roule en classe. Ah. J'attire les cons des tu peux par mon faciès. Je me réveille, je vais au studio, je fais un classique. Carrément, je manque allemand dans la massa. Arbi aux cheveux longs comme à Marseille. Herbert gang criminel comme dans le 7-7. Je la mets seul, t'es mon frère, on fait 5-5. Ouais, c'est simple, simple. Que des soldats, que du star, que du vrai. On est solvable, on les sonne. Dans le sac, que des sales mômes. On est sombre, on est sale et c'est sale monde. T'es mon frère, je la mets seul, on fait 5-5. On est sombre, on est sale et c'est sale monde. Herbert gang criminel comme dans le 7-7. On est sombre, on est sale et c'est sale monde. Sache qu'on tue pour la mort. Ouais. Encore à dire, je suis pas là. J'arrive pas à trouver l'enfer. Mais je vais leur sortir la cale. Tu peux pas en sortir, c'est mort. Les deux filles dans la tête, tout le temps je me dis je me barre demain. J'ai trimé, galéré, mais quitter la cité, c'est non. J'ai vu des trucs de fou, donc y'a plus rien d'impressionnant. Ouais, c'est simple, simple, que des soldats, que du star, que du vrai. On est solvable, on les sonne, dans le sac, que des sales mômes. On est sombre, on est sale, et c'est sale monde. T'es mon frère, je la mets seul, on fait 5-5. On est sombre, on est sale, et c'est sale monde. Herbert gang criminel comme dans 7-7. On est sombre, on est sale.